Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Difficile d'imaginer les mathématiques sans sa présence, et pourtant, il a brillé par son absence pendant des milliers d'années. Le zéro, chiffre, mais aussi concept, a mis du temps à être défini. Point de départ, présence d'une absence, incarnation du vide, porte ouverte sur l'infini, il est tout à la fois une révolution mathématique et philosophique. Nous embarquons donc aujourd'hui pour une épopée, celle de l'invention du zéro qui nous conduira de l'Inde à l'Europe, en passant par la Chine, le monde arabe et l'Amérique centrale. Zéro dans l'ombre des nombres, telle est notre invention du jour. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de l'invention du zéro, nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui en studio Roger Mansuy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de chaire supérieure en mathématiques au lycée Saint-Louis. Et nous sommes en ligne également avec Antoine Houlou-Garcia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de cours à l'université de Trento en Italie et auteur du livre « Vous aimez les maths sans le savoir » paru aux éditions Belin. Et pour ouvrir cette émission, je vous propose d'entendre une voix qui vous est peut-être familière. C'est celle du mathématicien François Le Lyonnais et c'était en 1974. Eh bien, ma collection de nombres remarquables qui finalement maintenant a atteint environ 500 nombres. 500 nombres, est-ce peu, est-ce beaucoup? Comme il y a plus qu'une infinité de nombres, c'est peu de choses. Mais les miens ne sont pas tous les nombres, ce sont des nombres remarquables, que des mathématiciens sont d'accord pour considérer comme extraordinaires, comme leur ayant fait battre le cœur, comme les ayant touchés d'une manière ou d'une autre. Le gros de ma collection, le maximum de ma collection, eh bien, ce sont des nombres entiers. Et des petits nombres entiers. Zéro, c'est le seul nombre qui est entier et qui ne soit ni positif ni négatif, alors que tous les autres nombres entiers sont ou positifs ou négatifs. C'est le nombre, les gens n'y pensent pas beaucoup, le plus composé, c'est-à-dire qui est multiple de tous les nombres entiers. N'importe quel nombre entier a pour multiple zéro. C'est aussi le seul nombre qui soit égal à son inverse. C'est le seul nombre qui soit égal à toutes ses puissances. Zéro. Zéro. Roger Mansuy, comment on explique la fascination que peut exercer le zéro? Alors, il y a plusieurs raisons de cette fascination. D'abord, c'est un chiffre qui nous permet de faire d'écrire beaucoup de nombres, de stocker une information, en fait, et de permettre beaucoup de calculs. Et puis, en même temps, c'est un concept qu'on associe au vide, à l'absence, et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'infini par dualité. Donc, c'est quelque chose qui amène un peu à la limite de ce qu'on peut percevoir directement. Antoine Houlou-Garcia, une réaction aux propos enthousiastes de François Le Lyonnais? Effectivement, le zéro, c'est vrai que c'est quelque chose, on sait quand on commence à étudier un petit peu l'algèbre, on sait que c'est un nombre qui est remarquable parce que c'est l'élément neutre de la multiplication. N'importe quel nombre multiplié par zéro fait zéro, comme le disait François Le Lyonnais, hein, en parlant de la notion de multiple. C'est quelque chose donc qui est un point fixe en quelque sorte dans notre univers, et puis en même temps c'est un point un peu bizarre parce qu'on peut pas diviser par zéro. Alors c'est très surprenant parce qu'on a l'impression que ça ouvre une porte extraordinaire, et puis en même temps ça nous ferme des portes, ça nous ferme des possibilités, et ça surprend notre intuition. On va retracer bien évidemment tout au long de cette heure l'histoire de cette invention du zéro. Une question peut-être en préambule, Roger Mansuy, si on remonte aux origines du calcul, à partir de quand ce calcul s'est formalisé par des signes? C'est une question quasiment d'archéologie presque. C'est-à-dire qu'on va se poser la question des signes et de ce qu'ils veulent dire. Est-ce que ces signes représentent du calcul? Est-ce que quand on est en train de regarder les os d'Ishango, quand on est en train de regarder les bâtonnets chinois, les stèles qui nous restent de l'Empire Maya, est-ce que ce sont exactement des calculs comme on l'entend? Comment on les interprète à partir du moment où de quel moment on sait que c'est effectivement un calcul et qu'on est en train de regarder des nombres? Il y a vraiment beaucoup de travail pour savoir ça. Et donc avoir une datation précise du moment, je pense, c'est un peu illusoire. À partir de quand peut-être on peut envisager le calcul comme quelque chose d'établi alors? peut-être. Alors, deux millénaires avant notre ère, disons, on est à peu près sûr. On a des sources babyloniennes claires, enfin des tablettes avec des inscriptions cunéiformes qui montrent effectivement des calculs. Les plus anciennes, les plus anciennes qui sont bien étudiées, qui sont les tablettes de Plimpton, montrent déjà des vrais problèmes géométriques résolus, calculés. Donc on a à ce moment-là une preuve que l'on sait faire des calculs avec des signes. Antoine Houlou-Garcia, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, dans ce contexte de naissance du calcul, le zéro n'a pas encore, enfin, est d'une certaine façon encore absent ? C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître surprenant. En fait, on se dit, si on a les nombres qu'on sait compter avec les doigts, pourquoi on n'irait pas mettre le zéro ? Peut-être parce que justement, le zéro, il n'est pas vraiment sur les doigts. Alors on peut se dire, oui, si on tient le poing fermé, on a une sorte d'image du zéro, évidemment. Mais c'est quand même un petit peu problématique. Le zéro, ce serait, si on doit compter sur les doigts, ce serait une absence de quelque chose, une absence d'indication avec les doigts. Et en fait, cette absence-là, elle va être transcrite également, et notamment en cunéiforme. Et dans pas mal d'écritures mathématiques, elle va être transcrite sous une forme d'espace, d'absence. C'est-à-dire que, au lieu de noter par un petit signe le zéro, traditionnellement, on va avoir tendance, notamment dans les premières numérations cunéiformes, à l'indiquer par simplement un espace vide. Il y a aussi... C'est vrai que ça peut être un petit peu... Pardon, oui. Non, allez-y, allez-y. Ça peut être un petit peu embarrassant, hein, cette notion d'espace vide, parce que ça prête à confusion. On ne sait pas toujours si l'espace vide, c'est juste un espace entre deux symboles, cunéiforme ou autre, ou bien si c'est un espace, entre guillemets, plein, qui indique un zéro. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Babyloniens ont, dans les années moins 600 à peu près, commencé à indiquer le zéro, donc de numération, le zéro de position, comme on l'appelle, à travers deux petits clous en diagonale. Et donc, on a pour la première fois donné un vrai symbole au zéro parce que c'était pas assez clair. C'est-à-dire que le zéro, évidemment, on est capable de le dire, on est capable de le comprendre intuitivement, mais alors après, le noter, c'est vrai que ça a toujours fait peur et il a fallu attendre un petit peu pour qu'on commence à l'écrire clairement. Roger Mansuit. Il faut, quand on fait les premiers calculs, là on est en train d'imaginer un peu des scientifiques qui font les calculs, mais on a aussi besoin de calculs pour la vie courante. Et dans la vie courante, en fait, on s'intéresse assez peu au vide pour calculer si on veut faire du commerce, si on veut mesurer une surface, si on veut payer des impôts. En fait, ce sont des quantités qui sont des quantités réelles, matérielles, qui ont une vraie valeur, donc on n'a pas besoin du zéro. Mmh. Et la question du zéro, elle va apparaître quand on va vouloir aller vers le vide, quand on va vouloir faire des soustractions, quand on va vouloir utiliser la numération de position, comme le disait Antoine. Mais initialement, on peut très bien faire des calculs sur des quantités concrètes, simplement avec une notation un peu additive. Quand on parle de calculer sans le zéro, la première chose qui vient à l'esprit d'à peu près tous les gens dans notre pays, à peu près, c'est les chiffres romains. Mmh. Dans les chiffres romains, il n'y a pas de zéro a priori. On n'est pas en train de noter la position et les valeurs. Quand on met X, V, on sait qu'on est en train de faire 10 plus 5. On a une numération additive qui marche très bien. Et elle nous permet de faire un certain nombre de calculs. Maintenant, si on veut la numération de position, cette fois-ci, on va utiliser des symboles qui, selon leur position, vont avoir différentes valeurs. Si on parle des 101 dalmatiens, il y a un 1 qui veut dire il y a une unité, il y a un 0 qui veut dire il n'y a pas de dizaine, il y a un 1 qui veut dire il y a une centaine. Donc on voit bien le 101 qui apparaît tel que nous, on l'apprend à l'école. S'il n'y avait pas ce 0 de position, c'est celui dont Antoine parlait dans les marques cunéiformes, on lirait que 11. Et ce serait plus du tout la même quantité. Donc, on a besoin de cette marque d'espace. Et c'est vrai que la première occurrence du zéro pour écrire des nombres dans cette écriture de position, c'est juste un garde-place, une marque qui est là pour dire il n'y a rien. Et ça pourrait être un espace, ça pourrait être un point, ça pourrait être n'importe quoi. Mais ce n'est pas un vrai chiffre comme on l'imagine, c'est juste un garde-place au départ. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Roger Mansuit, et je vous pose la question, Antoine Houlou-Garcia, c'est que la notion n'est pas du tout absente des esprits, la notion du zéro, mais on a du mal à la formaliser. Comment on explique ce malaise, entre guillemets ? C'est un peu malaise dans la civilisation, pour reprendre un titre de Freud, parce que c'est en quelque sorte quelque chose qui effectivement parle à notre intuition. On a mangé une pomme, il n'y avait qu'une seule pomme, donc il n'en reste plus aucune, il reste rien ou zéro, si on peut le dire comme ça. Mais de là à en faire une entité en soi, c'est problématique parce que ça fait appel à ce qu'on pourrait appeler le non-être. Dire qu'il y a zéro pomme, c'est embarrassant pour quelqu'un comme Aristote, par exemple. Il y pense tout à fait donc ce qu'il appelle le rien, ou den en grec, mais il pense donc au zéro. Il imagine bien que 0 plus 0, ça va sans doute faire 0, il l'imagine volontiers, mais il dit que c'est impossible à formaliser de façon rigoureuse, que ce soit philosophique ou mathématique, parce que 0 n'est en proportion avec rien. François Le Lyonnais parlait du fait que 0 était multiple de tous les nombres, puisque n'importe quoi fois 0, ça fait 0. Mais le problème, c'est que du coup, 0 n'est en proportion avec aucun nombre, puisque si on multiplie 0 par quelque chose, on reste enfermé dans ce 0. Alors que si on multiplie 1 par quelque chose, bien, on obtient d'autres nombres, et ainsi de suite pour tous les autres nombres. Donc il y a un problème de proportion, d'homogénéité presque, parce que si on suit un peu le raisonnement d'Aristote, on pourrait dire, bah en gros, 0 pomme égale 0 poire, donc les pommes sont égales aux poires. Et ça, ça pose un problème, alors qu'une pomme n'est pas égale à une poire, mais l'absence d'une pomme est égale à l'absence d'une poire. Et ce problème, en fait, il est épistémologique. Et c'est pour ça que, malgré le fait que, bien sûr, ça parle à l'intuition et qu'on a envie de pouvoir se dire « oui, bon, bah, zéro, c'est pas si grave que ça », si on prend la peine d'y réfléchir, ça devient plus compliqué. Je vais dire la note. Zéro. France Culture. Zéro, comment ? Alard. Zéro alard, le zéro de la défaite. Le zéro éliminatoire. Zéro ! Zéro de la vengeance. Zéro ! Eureka. Le vengeur masqué. Voilà. Antoine Beauchamp. On vous l'a promis, on va vous parler de l'invention du zéro. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire de l'invention du zéro, c'est qu'il n'y a pas de point zéro pour la naissance du zéro. C'est une émergence assez ubiquitaire. Antoine Houlou-Garcia, on pourrait peut-être parler, là vous parliez de la Grèce antique, d'Aristote, qui était plutôt contraire à l'idée de cette notion du zéro. On pourrait parler d'un savant grec, Jamblic. Qui était-il et quelle importance a-t-il eu dans cette émergence du zéro ? Alors, Jamblic, c'est pas le mathématicien ni le philosophe le plus connu de l'Antiquité grecque, et pourtant c'est quelqu'un qui a une histoire très intéressante en soi, et particulièrement pour le zéro. Alors, je resitue juste un petit peu le contexte, parce que Jamblic, bon, au-delà d'un nom, c'est un peu compliqué de comprendre qui c'est. Donc c'est quelqu'un qui habite dans la Syrie actuelle, qui est de langue grecque, de culture orientale, et qui est citoyen romain, puisque l'Empire romain s'étend jusque-là. Donc c'est quelqu'un qui est aussi dans une identité multiple, qui est assez intéressante pour sa philosophie notamment, et qui peut-être joue un rôle dans son invention du zéro. C'est un mathématicien donc qui vit au 3e, 4e siècle de notre ère, qui fait partie d'une tradition assez récente de néo-pythagorisme, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à la doctrine arithmétique et philosophique de Pythagore, qui a vécu 600-700 ans avant. Et Jamblic commente un ouvrage d'un autre mathématicien, un tout petit peu antérieur, qui s'appelle Nicomaque de Gérase, qui lui aussi est de la région, il est de l'actuel Gerash en Jordanie. Nicomaque de Gérase, qui est considéré comme le plus grand arithméticien de l'Antiquité, a écrit une introduction à l'arithmétique. Et Jamblic, par modestie, et puis parce que ça se faisait comme ça à l'époque, écrit un commentaire sur l'introduction à l'arithmétique de Nicomaque de Gérase. Vous voyez que c'est quand même des titres assez lourds qu'on avait à l'époque, qui ne sont pas hyper marketing. Et ce commentaire, c'est un vrai commentaire au sens où il commente proposition par proposition tout ce que Nicomaque de Gérase a raconté. Et à un moment, Nicomaque de Gérase propose quelque chose qui est de considérer que chaque nombre est en fait la moyenne de ses voisins. Par exemple, 3, c'est la moyenne de 2 et 4, parce que 2 plus 4, ça fait 6, vous faites la moyenne, donc vous divisez par 2, ça donne bien 3. Mais Jamblic dit ça pose un problème parce que si on veut considérer 1 comme un nombre, eh bien, lui aussi doit avoir cette propriété d'être la moyenne de ses voisins. Alors à droite, le voisin, on a bien compris que c'est 2, mais à gauche, c'est qui le voisin ? Et il dit ce sera rien, ce qu'on appelle aujourd'hui 0. Et parce qu'il dit rien plus 2 divisé par 2, ça fait bien 1. Sauf que Jamblic ne s'arrête pas là, il va un peu plus loin, il précise que rien plus 9, ça fait 9, donc rien ne change rien à l'addition, et rien fois 9, ça fait rien, donc rien absorbe tous les nombres par la multiplication. Donc, en faisant ça, Jamblic invente véritablement ce qu'on peut appeler un zéro arithmétique, un zéro mathématique, au sens où il en étudie des propriétés de multiplication et d'addition. Le seul problème, c'est que cette invention-là va rester lettre morte. Personne ne va la reprendre par la suite. Comment on l'explique, cette chute dans l'oubli de cette pourtant proposition clé de Jamblic dans l'émergence du zéro ? La raison, elle est en réalité philosophique et arithmologique. Alors, je précise juste que l'arithmologie, c'était en gros la philosophie un peu mystique du nombre, qui était très très à la mode chez les Grecs, notamment dans toute la mouvance pythagoricienne, on étudiait les propriétés un peu magiques des nombres. Et donc il y a cet aspect-là, plus l'aspect philosophique, qui vont s'opposer de façon très radicale à l'invention de Jean-Blic, parce que des gens, évidemment, ont lu le texte de Jean-Blic par la suite. Il y a des gens comme Ammonius, Asclépius, Jean Philopon, donc divers mathématiciens qui ne sont pas les plus connus aujourd'hui. Hein, Asclépius de Trale, bon, on n'est pas le plus connu, Jean Philopon non plus, mais ils ont eu une vraie influence sur les mathématiques ultérieures de langue grecque. Et tous se sont accordés à dire qu'il était inacceptable de considérer le rien comme un nombre. Pour une raison notamment, c'est que le 1, c'est l'unité, c'est ce qui permet d'engendrer tous les nombres. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et ainsi de suite. Donc en gros, avec le seul nombre 1, on peut tout engendrer. Sauf que le 0 est avant le 1. Comment est-il possible qu'il y ait quelque chose avant l'origine, qu'il y ait un 0 avant le 1? C'est inacceptable et donc ça n'a pas été accepté. De plus, le texte de Jean-Blic n'a pas été lu en Occident par ceux qui parlaient latin peu à peu, et notamment par Boèce, qui est philosophe, qui a créé la Consolation de la philosophie, et également mathématicien, puisqu'il a traduit l'ouvrage de Nicomaque de Gérase, mais il n'est pas allé lire le commentaire que Jean-Blic en avait fait, et donc, lui, lorsqu'il a traduit en latin l'œuvre de Nicomaque de Gérase, n'a pas intégré cette notion du zéro, qu'il aurait peut-être accepté, on ne sait pas. Sauf que Boèce a été le professeur, entre guillemets, de tout le Moyen-Âge occidental qui parlait latin. Son institution arithmétique a été vraiment le manuel d'arithmétique fondamental pour le Moyen-Âge occidental, et donc c'est passé à la trappe. Voilà pour cette une de ces tentatives de mise au point du zéro. Roger Mansuy, je le disais tout à l'heure, l'apparition du zéro, elle est ubiquitaire. Le zéro apparaît à plusieurs endroits, à plusieurs époques différentes. On pourrait peut-être parler de la Chine, des Mayas. Expliquez-nous un petit peu ce que eux accordaient à ce zéro originel, on va dire. Alors, faut voir aussi un peu ce qu'on appelle zéro. Mmh. Parce que là aussi, il y a une autre ambiguïté, disons. Il y a le zéro, le chiffre, celui dont on parlait pour marquer une place. Il y a le zéro, la quantité, celui qu'Antoine vient de nous décrire complètement. Et il y a le zéro qui est le zéro de l'ordre. Quand on est en train de regarder, je sais pas, le chiffre 3, on peut aussi parler du troisième élément, c'est-à-dire la version ordinale du nombre. Et le zéro va apparaître selon les pôles culturels, selon les régions, comme chiffre, comme ordinal, comme cardinal, comme nombre au sens où on l'entend. Chez les Mayas, par exemple, c'est assez drôle de voir que le premier à être apparaître de ces trois zéros, c'est le zéro ordinal. C'est celui qui considère le zéroième. Mmh. Et c'est pour des questions de calendrier. On est au 4e siècle, à peu près. Et ensuite viendra, on a la trace seulement qu'à partir du 7e siècle, le zéro qui va être chiffre, puis le zéro nombre. Et là, ça va être vraiment pour faire du calcul à proprement parler. Et là, ce zéro-là, on peut peut-être le décrire. Je crois qu'il y a deux zéros. Il y en a un qui a un symbole et un autre qui a un hiéroglyphe. On peut décrire ce hiéroglyphe parce que je trouve ça assez poétique. Assez... Alors, le hiéroglyphe, en fait, c'est un crâne. Essentiellement, c'est une forme de crâne, mais tous les nombres mayas avaient cette représentation. Enfin, plutôt, on a cette représentation d'après les stèles qui nous sont restées. Malheureusement, il reste très peu de codex de l'époque maya, puisqu'ils ont été détruits au moment de la conquête de l'Amérique centrale. Je crois qu'il nous reste que 3 codex. Donc, on a très peu de traces vraiment écrites, à proprement parler. On a beaucoup plus de traces sculptées. Et donc effectivement, on a ce visage tourné vers la gauche, un peu bizarre, il a l'air un peu grimaçant quand on le regarde nous, qui est le zéro de positionnel des Mayas. Voilà pour les quelques émergences de la notion du zéro avec les différents sens que ça recoupe. Antoine Houlou-Garcia, on va faire peut-être un petit bond dans l'espace. On va arriver en Inde avec l'apparition vraiment du zéro. Est-ce que c'est vraiment autour du 5e siècle qu'on peut dire que vraiment le zéro s'établit d'un point de vue mathématique? Oui, alors je voulais juste faire une toute petite précision par rapport à ce que Roger disait très justement. Il y a une deuxième du coup notation du zéro chez les Mayas qui correspond non plus à l'écriture hiéroglyphique des Mayas, mais à leur écriture simplifiée des nombres qui se fait avec des points et des barres. Donc tout simplement un point ça vaut 1, 2 points ça vaut 2, une barre ça vaut 5. Ça rappelle presque un peu le système romain à la limite dans ce caractère additif de la numération comme Roger en parlait tout à l'heure. l'heure. Et dans cette numération-là, le zéro est simplifié, il n'est plus hiéroglyphique. Ça représente une sorte de coquille de tortue vide. Et donc c'est vrai qu'on retrouve là encore l'association entre vide et zéro qui est là dessinée, mais de façon beaucoup plus simple que effectivement le hiéroglyphe du zéro. Et encore une fois, avec cette forme circulaire qui reste un point commun presque entre toutes ces naissances du zéro. Je le disais, je vous posais la question à Antoine Oulou-Garcia à l'instant de l'émergence du zéro en Inde. Pourquoi l'Inde a eu une telle importance dans cette invention du zéro ? Alors l'Inde, il faut peut-être placer dans son contexte un peu géopolitique, parce que l'Inde, vue de France, vue d'Europe même en général, ça nous paraît très loin, et en fait ça n'a pas toujours été si loin que ça. Il faut juste comprendre une chose qui est importante dans l'évolution des mathématiques et dans leur communication entre les différentes civilisations, que l'Inde a été en contact direct, régulier et durable dans le temps avec le monde grec. Lorsque Alexandre le Grand, donc dans les années moins 330, fait sa conquête immense, qui fera pâlir d'envie Jules César 300 ans plus tard, eh bien Alexandre le Grand s'arrête à l'Indus, c'est-à-dire au Pakistan actuel. Et à l'époque, en Inde, évidemment, il y a déjà des royaumes qui se succèdent et qui sont d'une grande importance et qui ont une culture très très très développée, et notamment un intérêt pour les mathématiques. Et ça a probablement un lien assez direct avec le fait que le zéro apparaisse en Inde, parce qu'il y a des échanges culturels dans toute cette région-là, occidentale, disons, de l'Inde. Alors, celui à qui on associe traditionnellement l'invention du zéro définitive, c'est-à-dire le zéro qui va être effectivement repris jusqu'à nous, chez lequel donc il y a un vrai arbre généalogique, c'est Brahmagupta, qui est un mathématicien indien des années 600 de notre ère. Et Brahmagupta, justement, et c'est probablement pas un hasard, a lu beaucoup de mathématiciens grecs comme Héron d'Alexandrie, comme Diophante, comme Ptolémée également pour tout ce qui concerne l'astronomie. Donc c'est quelqu'un qui peut-être à travers ses lectures grecques eu certaines idées qui ont pu faciliter l'émergence du zéro. Je précise également que Brahmagupta, il n'est pas tout seul. Il fait partie d'une lignée intellectuelle, comme tous les grands savants, il n'émerge pas tout seul. Il y a déjà, dans les années environ 300-400, hein, la datation est un peu difficile, ce qu'on appelle le manuscrit de Bakshali, qui est un manuscrit écrit en sanskrit, pour le dire simplement, dans lequel on trouve un point qui indique le zéro. C'est un manuscrit notamment en mathématiques, avec des problèmes de mathématiques et de géométrie, et on trouve ce petit point qui indique le zéro. Il y a aussi un texte un petit peu ultérieur qui s'appelle le Logavibhaga, qui est un traité de cosmologie qui est dans les années 450, donc vraiment avant Brahmagupta, et qui lui aussi utilise le zéro comme notation donc positionnelle. C'est vrai que néanmoins, Brahmagupta va être celui qui va donner au zéro non seulement une existence positionnelle, comme disait Roger tout à l'heure sur les 101 dalmatiens, le zéro de 101, mais aussi des propriétés algébriques qui sont d'ailleurs plus développées que celles que Jean Blick a faites avant lui, où il étudie le fait que la somme de deux zéros vaut zéro, la somme de zéro et d'un nombre négatif fait un nombre négatif, etc. Il va même jusqu'à étudier la divisibilité par zéro, ou alors il se trompe entre guillemets, mais en tout cas il va vraiment assez loin dans cette étude. Roger Mansuy, sur cette figure de Brahmagupta et sur cette émergence du zéro en Inde. Alors, le texte de Brahmagupta est passionnant, en fait, quand on peut regarder. Alors, moi, j'en regarde que des traductions, évidemment. Je ne peux pas le lire dans la langue d'origine. Ouais. Voilà, mais il y a toute une série d'affirmations. En fait, on n'est pas dans un mode où on va écrire des preuves. On a des affirmations successives. Et ce que disait Antoine est assez merveilleux à voir. C'est quand on dit la somme de deux positifs est positif, la somme de deux négatifs est négatif. On a ces règles opératoires et apparaît ce qu'Antoine a appelé erreur en prenant les guillemets oratoires qu'il fallait, le 0 sur 0 qui vaudrait 0, cette divisibilité qui aujourd'hui nous fait un petit peu frémir quand on le regarde. En tout cas, en tant qu'enseignant, il me fait un peu frémir. Pourquoi il vous fait frémir ? Ça vient de la façon dont on définit ce que c'est qu'une division. Quand je veux dire que la division de 6 par 2, ça fait 3, c'est parce que je sais que 6 est égal à 2 fois 3. Donc 3, c'est le seul nombre qui, multiplié par 2, me donne 6. Alors si maintenant je veux regarder ce que serait 0 divisé par 0, il faudrait que je trouve le seul nombre qui, multiplié par 0, me donne 0. Et tout de suite, on voit qu'il y a un problème dans ce « le seul », parce qu'en fait, tous les noms vérifient ceci. Donc, on a un problème de définition. Et on aurait un problème encore plus grave si on essayait de définir 1 divisé par 0. Parce qu'il faudrait trouver le seul nombre qui multiplié par 0 donne 1. Or, tous les nombres multipliés par 0 donnent 0. Donc, on a un problème de définition ici. Et l'affirmation de Brahmagupta nous semble un petit peu cavalière. Et on ne sait pas si c'est une convention qui correspond à un choix, à une réflexion particulière, ou si c'est, à proprement parler, un abus dans ces affirmations successives. Antoine Houlou-Garcia, on peut vous parler du contexte qui est important dans l'émergence de ce zéro. C'est pas anodin si ça apparaît en Inde, parce que il y a la religion bouddhiste a peut-être moins de problèmes avec la notion et l'idée du vide ou du néant que ne l'ont alors d'autres religions ou d'autres croyances. Alors non seulement effectivement cette religion-là, mais également la religion jainiste qui est très importante à l'époque, qui l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais qui a une importance considérable, notamment chez les astronomes indiens de l'époque, donc des années notamment 400 jusqu'à 600, jusqu'à l'époque de Brahmagupta, parce que c'est une religion dans laquelle le temps est infini, cyclique, et donc il y a différents types d'infini qui existent, et donc le zéro finalement n'est pas si surprenant que ça. Il est relativement cohérent avec notamment la religion jainiste, et ça permet forcément, parce que souvent il y a un effet émotionnel tout simplement, on a peur de quelque chose, alors on n'ose pas l'étudier. Ça arrive, je pense, à tous les étudiants, parfois on est submergé par le stress, donc on se sent incapable d'étudier quelque chose qui pourtant n'est pas hyper compliqué. C'est un petit peu la même chose, le fait que le jainisme et le bouddhisme incluent cette notion de vide et cette notion de plein, incluent cette notion d'infini, ça permet de se dire que finalement il n'y a rien d'anormal à étudier cet objet qui peut paraître bizarre à bien d'autres qu'est le zéro. Roger Mansuy, la forme circulaire du zéro, est-ce qu'elle naît à ce moment-là? Est-ce que c'est là que ça s'établit? Est-ce qu'elle naît à ce moment-là? Enfin, c'est un peu compliqué parce qu'on disait tout à l'heure déjà chez les Mayas, enfin chez un certain nombre de civilisations, on avait des points plus ou moins gros. Enfin, donc dire qu'elle naît exactement là, c'est compliqué. Mais la filiation jusqu'à nous est établie à partir de Brahmagupta. Et on va poursuivre évidemment cette épopée du zéro. On va arriver à un autre moment clé pour l'établissement de ce concept. On va arriver dans le monde arabe. Alors est-ce qu'on peut planter un petit peu le décor, Roger Mansuy? Voilà, on est au 8e, 9e siècle. Quelle est la circulation des idées alors? Alors, on est au 8e siècle exactement avec la création du califat abbasside à Bagdad et avec le calife Al-Mansour qui, lui, va souhaiter engager un certain travail de traduction, d'assimilation des connaissances existantes. Et un certain nombre de scientifiques vont traduire des traités indiens. En particulier Al-Fazari qui va traduire exactement Brahmagupta et l'amener en langue indienne. Donc il va y avoir ce travail d'assimilation et de travail à partir de là. C'est pas simplement on récupère des données, mais on va les enrichir progressivement jusqu'au 9e siècle, jusqu'à Al-Khwarizmi, où on va à ce moment-là avoir un traité qui va dire le traité sur le calcul indien, qui va reprendre toutes les propriétés qu'on connaît et des nouvelles qu'on va assimiler ensemble. Antoine Houlou-Garcia, Roger Mansuy évoquait cette figure d'Al-Khwarizmi. Quel rôle il a joué véritablement dans la naissance, l'ancrage du zéro? Alors c'est vrai que effectivement c'est une figure centrale parce que il a accès à tous ces textes, notamment grecs et indiens, qui ont développé de façon indépendante ou interdépendante, c'est pas hyper clair, mais en tout cas de façon parallèle, quoi qu'il en soit, des travaux sur l'algèbre, sur vraiment les prémices de l'algèbre. L'algèbre, d'ailleurs, le mot algèbre vient de Al-Khwarizmi, c'est dans le titre de l'ouvrage fondateur de Al-Khwarizmi, ça veut dire la restauration, c'est l'une des deux méthodes qu'il préconise pour étudier des problèmes mathématiques compliqués avec une équation et une inconnue. Al-Khwarizmi a un rôle central parce qu'en fait, il va être beaucoup lu par la suite, il va être très influent. Donc c'est grâce à lui que effectivement on va également en Occident avoir la trace du zéro par la suite, grâce notamment aux lectures de ses ouvrages. Je précise effectivement que toute l'opération de traduction qui a été un énorme chantier, effectivement il y avait le calife Al-Mansour, puis le calife Al-Mamoun qui ont tous deux promu, disons, la culture à Bagdad à travers l'ouverture d'une grande bibliothèque royale, impériale, si on peut dire, au public, c'est-à-dire aux savants essentiellement, et avec le fait que lorsque, par exemple, le calife Al-Mamoun conclut un accord, un traité de paix avec Byzance, avec lequel il était en guerre, il inclut dans le traité de paix, en tout cas c'est la légende qui rapporte ça, que ce soit vrai ou non historiquement n'est pas très important parce que ça pose bien la manière dont la civilisation islamo-arabe a intégré toutes les avancées grecques et indiennes. Le traité de paix avec Byzance inclut qu'il y ait notamment l'Almageste de Ptolémée qui soit donc une copie manuscrite qui soit incluse dans le traité, et ainsi que d'autres textes grecs. Et on va, à partir de là, à Bagdad, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que Al-Khwarizmi est une figure, bien sûr, prépondérante, mais il n'est pas tout seul à faire partie de toute cette entreprise de traduction, d'intégration des différentes mathématiques qui existaient alors. Et donc, il y a, là encore, un contexte intellectuel extrêmement riche, dont Al-Khwarizmi, bien sûr, est le fleuron, mais c'est pas le seul. Il faut pas oublier qu'il y a tout un courant énorme qui est voulu par le chef politique, et ensuite, bien sûr, qui permet aux savants d'agir en ce sens. Une forme de diplomatie culturelle, intellectuelle avant l'heure. Roger Mansuy, on parlait d'un mot-clé, l'algèbre. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que recoupe cette branche des mathématiques? Alors, aujourd'hui, ce serait un sujet très vaste, mais à l'époque, il s'agit simplement de résoudre des équations. C'est-à-dire les équations que vous imaginez, on vous donne A et B, deux nombres que vous connaissez, vous voulez résoudre l'équation AX plus B égale 0. Ben voilà, ça c'est un premier problème d'algèbre. Alors la situation à l'époque est un peu plus compliquée par rapport au statut des nombres et par rapport à ce que c'est qu'une équation réellement, mais c'est là l'un des deux traités importants de Al-Khwarizmi pour la transmission vers l'Occident, l'autre étant celui sur le calcul indien où il y a effectivement l'écriture des nombres. Est-ce que là, à cette époque aussi, s'ancre véritablement l'écriture des chiffres qu'on qualifie souvent d'arabes alors qu'en fait ils sont indo-arabes? Alors, effectivement, d'ailleurs, on les appelle arabes au moment où ils vont passer dans l'Europe chrétienne, mais les Indiens, Al-Khwarizmi parle du calcul indien, lui-même dans le titre de son ouvrage. Non seulement l'écriture des nombres va devenir quelque chose qui est habituel, mais il va dépasser les cercles scientifiques, c'est-à-dire les marchands vont commencer à utiliser ces notations, et donc on va pouvoir les voir se diffuser dans toute la zone arabo-islamique de l'époque, c'est-à-dire pas simplement dans les bibliothèques ou dans quelques personnes savantes. Bien, restez avec nous, parce que dans un instant, on va continuer à suivre cet itinéraire rocambolesque du zéro, et on va voir comment le zéro est arrivé en Occident. Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Ces petits riens par Serge Gainsbourg à 16h33 dans Eureka sur France Culture. Nous retraçons aujourd'hui l'histoire d'un petit rien qui a fait beaucoup puisque nous parlons de l'invention du zéro en compagnie de Roger Mansuy, professeur de chaire supérieure en mathématiques au lycée Saint-Louis. Et nous sommes également en ligne avec Antoine Houlou-Garcia, chargé de cours à l'université de Trento en Italie et auteur du livre « Vous aimez les maths sans le savoir » paru aux éditions Belin. Alors on parlait avant la pause des multiples zones d'émergence du zéro avec l'Inde comme l'un des principaux foyers. Puis le monde arabe qui s'inspire de la numération indienne et de ce zéro. Le zéro continue ensuite son petit voyage et va finir par arriver en Occident. Alors Roger Mansuy, avant d'évoquer une figure clé de cette incursion du zéro, Gerbert d'Aurillac, et à d'autres incursions du zéro, est-ce que vous pourriez nous en parler en territoire européen? Alors, il faut voir que quand on parle du monde arabe à l'époque, c'est un monde arabe très étendu, et donc on a déjà une partie de l'Europe, Espagne. Toute la partie de El Andalus, qui couvre le sud de la péninsule ibérique, Portugal, Espagne, qui au-delà de Tolède, au-delà de Madrid, connaît déjà toutes ces avancées en fait scientifiques et mathématiques. Et donc il faut chercher à la périphérie en fait de ce monde arabe pour trouver les gens qui vont s'intéresser, qui vont traduire, qui vont commercer avec le monde arabe et donc s'imprégner de ces choses-là. Et le premier texte où on trouve une trace des chiffres arabes écrites, c'est une chronique d'Alphonse III des Asturies. Donc les Asturies, c'est un royaume au nord de l'Espagne, donc vraiment la zone frontalière, où on va trouver les 9 chiffres arabes, vu qu'il y a 9 chiffres, de 1 jusqu'à 9, mais pas le 0. Donc là, on est en 881 pour l'écriture, et le manuscrit le plus récent la copie la plus récente que l'on a, le Codex Vigilanus, est du 10e siècle. On en arrive du coup à cette figure qui vous est chère, Gerbert d'Aurillac. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu qui était ce personnage polymorphe qui a même fini pape? Alors oui, ça c'est la fin de l'histoire. C'est peut-être la partie la moins croustillante de l'histoire, mais celle qui marque un peu plus les gens quand on l'entend. Gerbert, c'est quelqu'un qui commence une carrière de moine dans un monastère qui est consacré à Saint Géraud d'Aurillac. Là, et il se trouve qu'un comte de Barcelone qui venait chercher une épouse en Rouergue va aller prier pour Saint Géraud d'Aurillac et va remporter dans ses valises ce jeune moine prometteur. Et donc Gerbert quitte Aurillac et il va se retrouver en Catalogne, au monastère de Ripoll, à Vic, et il va avoir accès à tous les textes arabes qu'on est en train de traduire en latin. Et donc il peut les consulter directement, les connaître. Et il peut peut-être même aussi avoir des contacts avec les marchands, avec la pratique locale. Et sa carrière va bien avancer, disons. On a dit qu'il allait finir pape, mais il a quand même un certain nombre d'étapes avant. Et en particulier, après un séjour à Rome, il va se retrouver écolâtre à Reims. Et donc, il va avoir une grande charge d'enseignement. Et donc, pour quelqu'un qui a vu ce qu'était un astrolabe, qui a su ce qu'étaient les règles de calcul, du calcul arabe maintenant, vu que c'est comme ça qu'on va l'appeler, vu qu'il vient du monde arabe, eh bien, il va pouvoir utiliser ces chiffres. Alors, il en fera un usage relativement modeste, on va pas le voir écrire sur des parchemins, poser des multiplications, des additions, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Il va utiliser un abaque. Qu'est-ce que c'est? Alors, un abaque, c'est un outil de calcul, c'est essentiellement une planche, une zone sur laquelle on va bouger des cailloux. Je schématise exagérément. L'image la plus proche que les gens en ont peut-être aujourd'hui, c'est le boulier. On a des colonnes sur lesquelles on va bouger des jetons, mais là, on est en train de bouger des cailloux, et c'est une méthode de calcul qu'on utilise depuis très longtemps. C'est-à-dire, le mot calcul vient même du mot caillou en latin. Tout à fait. Et on l'utilisait chez les Grecs, on l'utilisait chez les Romains, on l'a utilisé même en France jusqu'à la Révolution assez facilement en fait. Donc c'était un outil pratique qui nécessitait pas de papier, qui nécessitait pas de savoir écrire, qui nécessitait pas un certain nombre de choses et qui permettait de faire un certain nombre de calculs rapidement. Donc pour les marchands, c'était un très bon outil. Et Gerbert a une idée, c'est de remplacer des lots de cailloux par des cailloux marqués avec des signes et il va prendre effectivement les signes de ces chiffres arabes. Une chose, il va prendre seulement que 9 chiffres, il va pas prendre le 0. Encore une fois, le 0 reste absent. On ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'était une peur religieuse? Est-ce qu'il ne l'a pas trouvé nécessaire pour son calcul? On peut enlever tous les cailloux, on n'a pas besoin de mettre un caillou qui est marqué 0. Mais il va utiliser cet abaque et cet abaque sera connu, il nous parviendra. Enfin, on en a des textes qui expliquent comment on utilise cet abaque encore aujourd'hui. Antoine Houlou-Garcia, sur cette figure de Gerbert d'Aurillac et sur la postérité de son apport, de ses apports dans le domaine des mathématiques. Mais c'est vrai que Gerber, c'est un personnage assez fascinant parce que il va travailler pour Hugues Capet, par exemple, hein, donc le fondateur de ce qu'on appelle communément la France. Roger Mansuy n'a pas l'air si sûr de ça. Mais bon, ça c'est peut-être un débat d'historiographie. Mais... quand il est à Reims, il va travailler avec Aldébaron, qui est un personnage fondamental, qui va en particulier être utile pour l'élection d'Hugues Capet. Donc il va servir Hugues Capet, mais Gerber va aussi servir les empereurs germaniques, il va aussi servir le pape, il va être abbé à Bobbio, il va avoir un certain nombre de charges, donc ça va être un personnage vraiment important, il sera excommunié aussi, il faut pas oublier qu'avant de devenir pape, il va être mis au banc de l'Église, donc il y a quelque chose, et c'est le pape de l'an 1000, en fait, sous le nom de Sylvestre II, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, pardon. Antoine Oulugas, vous pouvez reprendre. C'est vrai, effectivement, qu'il travaille également avec les empereurs du Saint-Empire, comme disait très justement Roger, et notamment avec le jeune Othon III, pour lequel il a notamment le projet, en gros, si je schématise, d'être Aristote par rapport à Alexandre le Grand, mais surtout, il a un projet qui est assez extraordinaire, qui est de réunifier l'Empire romain, donc en réunifiant la partie occidentale qui est devenue grosso modo la France-Allemagne, quoi, et la partie orientale qui était l'Empire byzantin. Ce projet a failli se mettre en place avec le mariage avec une princesse byzantine, mais finalement Othon III est mort tellement jeune, à peine 22 ans, qu'il n'a pas eu le temps de se marier. Donc la réunification tant espérée, qui était d'ailleurs également celle de Charlemagne avec l'impératrice Irène à Byzance, n'a pas pu se faire. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui est assez incroyable, qui est effectivement en plus à l'an 1000, c'est symbolique, mais qui a un rôle vraiment plus que symbolique. Et en revanche, l'usage de ces nombres arabes que Gerber rapporte en Occident latin n'a aucune suite, ça n'est pas repris, ça n'a aucun succès. Comment on explique que la sauce ne prenne pas et que finalement le zéro ne percole pas avec l'Europe à l'aube du nouveau millénaire ? Alors, on n'est pas encore au zéro, on est déjà simplement avec les chiffres et l'écriture de position. C'est-à-dire que là, il n'y a pas le zéro. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ceci, mais l'une d'elles, c'est qui fait l'usage de ces chiffres. Comme je le disais tout à l'heure, les marchands, ils ont leurs abacs et ils savent faire les calculs dont ils ont besoin. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et puis, il y a quand même, ça vient du monde arabe, on est dans le monde chrétien, on a une certaine distance avec cette nouveauté et on ne l'adopte pas pour des raisons aussi qui sont un peu de blocage par rapport à cette nouveauté. Il faudra attendre presque 200 ans, Antoine Oulugarcia, pour que revienne sur la table cette notion du zéro et à nouveau ces chiffres arabes, avec une autre figure, Leonardo Fibonacci. Là encore, on peut faire un petit peu de biographie et expliquer un petit peu dans quel contexte cet homme travaille. Oui, bah, Fibonacci, c'est vrai que donc Léonard de Pise, hein, de son vrai nom, surnommé Fibonacci, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété en mathématiques, notamment pour la suite de Fibonacci, qui a ensuite beaucoup fait gloser. Je précise juste une parenthèse, mais cette suite de Fibonacci, donc il s'intéresse à la reproduction des lapins, et qui consiste à dire, au début, on met un lapin, un autre lapin, ensemble, ils arrivent à en faire deux, et ainsi de suite, et donc on arrive à additionner les deux derniers termes de la suite en permanence. Cette suite qui a des propriétés fascinantes, notamment avec le nombre d'or, etc. Je précise juste que Fibonacci s'y est intéressé que de façon très très rapide et n'a pas du tout parlé des liens éventuels avec le nombre d'or, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup gonflé par la suite, à juste titre parce que c'est une chose passionnante, mais que Fibonacci n'avait pas forcément vu aussi précisément. Concernant sa vie, c'est quelqu'un qui est donc le fils d'un douanier, si je me souviens bien, italien, qui œuvre en Algérie. Et donc, il passe plusieurs années dans l'actuelle Béjaïa, en Algérie. Et ça lui permet, un peu comme ça a été le cas pour Gerber d'Aurillac, d'être en contact avec les mathématiques arabes, qui sont encore plus développées qu'à l'époque de Gerber d'Aurillac. Mais en particulier avec les nombres, et c'est vrai que dans son Liber Abaci, donc son livre d'Abac, l'Abac que mentionnait justement Roger par rapport à l'invention qu'en avait fait Gerber, et disons, l'apport qu'il avait fait en Occident, dans son Liber Abaci, publié en 1201, Fibonacci propose les neuf nombres. Comme le disait Roger très justement, il y a neuf nombres, de 9 à 1, alors lui il est fait en ordre inverse, de 9 à 1, et c'est assez amusant parce qu'il rajoute par la suite dans une deuxième phrase, et si on rajoute le symbole zéro, donc tel qu'on le dessine aujourd'hui, que les Arabes, que l'on appelle en arabe Zéphirum, eh bien alors on peut faire des mathématiques et on peut écrire n'importe quel nom. Voilà ce qu'il dit en latin. Mais c'est assez amusant parce que Fibonacci, je ne suis pas persuadé qu'il ait eu connaissance très forte du fait que Gerbert d'Aurillac avait essayé d'importer sans grand succès les nombres indo-arabes en Occident, mais en tout cas Fibonacci, lui, prend la précaution de mettre les nombres de 9 à 1, et puis de rajouter ensuite, en écrivant, qu'on peut rajouter quelque chose de supplémentaire avec ce symbole 0. Donc il a sans doute conscience que voilà, l'ajout du zéro n'est pas une chose banale. Roger disait justement que l'innovation n'est pas toujours facilement acceptable. Eh bien, lui, il prend des pincettes pour apporter ce nombre zéro qui aura un grand succès grâce à lui. Oui, Roger m'en suit. Pour Fibonacci, c'est une révélation ce zéro. Il dit « La méthode des Indiens surpasse toute méthode connue pour calculer. C'est une méthode fantastique. Ils font leurs calculs en utilisant 9 chiffres et le symbole zéro. » Et c'est là aussi que naît le mot zéro et tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, c'est comme ça qu'il passe. Ouais. Le Zéphirum va évoluer selon les dialectes italiens et a priori vers Venise, il deviendra le zéro tel que l'on le connaît aujourd'hui. C'est amusant parce que le mot arabe qui va devenir Zéphirum, c'est Zifr, qui va aussi nous donner chiffres en même temps. Mais il y a quelque chose encore plus intéressant. En fait, il fait la distinction entre les 9 figures indiennes et le symbole supplémentaire, mais il dit bien indienne. Mmh. Donc là, on a quelqu'un qui a eu une connaissance profonde, en fait, du cheminement pour y arriver. On n'est pas comme Gerbert qui a juste eu le local. Là, on a quelqu'un qui est un peu plus connu en profondeur. Alors, il y a deux petites précisions, parce que le Liber Abaci est un texte fantastique. Et d'ailleurs, j'encourage tous les collègues enseignants à aller regarder ce livre, et en particulier les travaux de Marc Maillon sur ce livre, ce qu'on peut en faire en classe, parce que c'est vraiment fantastique. On parle jamais d'abac à l'intérieur. Le abaci, en fait, du titre, il est quasiment plus pour livre de calcul. Mmh. Voilà. Et il y a énormément de problèmes à l'intérieur qui mériteraient une célébrité comme celui des couples de lapins qui se reproduisent, et qui on peut en faire un usage assez facile. Il y a une histoire d'un lion qui tombe dans un puits, qui essaye de grimper, mais qui reglisse, et donc on se pose la question de savoir quand est-ce qu'il va sortir du puits. Enfin, il y a beaucoup de textes mathématiques intéressants aujourd'hui qui peuvent être lus par des contemporains et utilisés en classe. À qui s'adresse cet ouvrage, Roger Monsuy? C'est une bonne question. J'ai plus envie de répondre à la question qui va le lire, et malheureusement pas grand monde. C'est-à-dire qu'il y aura des copies, c'est un texte qui est intéressant et reconnu comme intéressant par les gens qui vont le lire, mais il n'aura pas exactement la postérité tout de suite que l'on imagine aujourd'hui pour nous qui le lisons. C'est-à-dire que c'est un texte qui ne sera vraiment publié qu'au cours du 19e siècle. C'est quelque chose d'assez surprenant de voir qu'un texte qui est aussi pédagogique, avec autant d'exercices, autant d'exemples, ne soit pas tout de suite une grande diffusion. En revanche, d'autres livres vont avoir une grande diffusion, qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui. En 1235, Johannes de Sacrobosco, lui, va écrire un livre sur le calcul, encore une fois, c'est toujours les mêmes idées, et qui sera parmi les premiers textes imprimés où on mentionne le calcul. C'est-à-dire, dès le XVe siècle, son livre sera imprimé. On a plein d'autres gens. Alors, ils sont à Paris, Alexandre de Villedieu, par exemple. Lui aussi va faire des livres de calcul qui reprennent toujours les mêmes idées. Alors, des livres de calcul en latin, hein, j'entends toujours, hein, mais qui vont avoir une vraie diffusion et qui vont faire que ça se propage. On court après ce zéro depuis le début de l'heure, Antoine Houlou-Garcia. À partir de quand, vraiment, le zéro est un incontestable des mathématiques? J'avoue que je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il s'est imposé strictement. Ce qui est clair, c'est qu'à la Renaissance italienne, des gens comme Cardan, etc., l'ont de façon très claire. Ils ont une algèbre qu'on appelle syncopée, c'est-à-dire que Diophante avait commencé à mettre en place dans les années 300-400 de notre ère et qui a été beaucoup développée ensuite par Al-Khwarizmi. Donc c'est une algèbre qui consiste à mettre des symboles, à noter R pour dire racine, à mettre un M barré pour dire moins. J'avoue que peut-être Roger en sait plus que moi sur l'exact moment où le zéro devient incontournable. Roger m'en suit. Alors, la question est, c'est un peu une colle, mais... La question est tout à fait une colle. Je pense qu'il faudrait dater du moment où l'Église ne s'intéresse plus au zéro, c'est-à-dire à partir du moment où il devient suffisamment anodin pour que l'Église ne s'y intéresse pas et ne s'y intéresse plus. Et a priori, au XVe siècle, on est à peu près tranquille, mais je ne saurais pas dater précisément. En revanche, là, vous soulevez un point intéressant. Pourquoi l'Église était opposée à l'idée du zéro? C'est la conception du vide qui est associée. Enfin, À partir du moment où on associe Dieu à la création, et donc aux quantités qui vont être strictement positives, comme on les appellerait aujourd'hui, le 1, tout ce qui est autour, Antoine parlait de l'arithmologie dans l'Antiquité, mais on a aussi une signification religieuse des chiffres. Le 0 serait quelque chose qui serait plutôt diabolique, donc on serait plutôt d'un autre côté, et donc une conception qui est difficile à accepter. Antoine Houlou-Garcia, on a évoqué cette évolution du zéro. On peut peut-être maintenant parler du bouleversement mathématique que ça représente d'un point de vue scientifique et épistémologique. Quels enjeux sont liés à l'émergence du zéro dans l'évolution de la discipline mathématique ? Alors, j'avoue que j'ai une difficulté là-dessus, parce qu'il est clair qu'au niveau philosophique, au niveau épistémologique, l'invention du zéro, et surtout son admission, parce qu'à la limite, son invention intuitive a toujours existé, mais le fait de l'admettre comme un élément à part entière dans l'univers mathématique, ça a franchement bouleversé les choses. Ça a permis de penser les nombres de façon justement plus scientifique et moins arithmologique, parce que du coup ça entrait en contradiction avec le fait d'attribuer à l'unité, le 1, une telle importance, d'être en gros la mère de tous les nombres. Ça enlevait un peu cette idée-là, ça créait une forme plus complexe finalement de l'arithmétique, et ça a contribué à la rendre plus scientifique. Au niveau mathématique strict, je pense que bon, le zéro de position, à moi, n'a jamais semblé très impressionnant, parce que finalement, on le trouve un peu partout, comme un vide ou comme un symbole, plus ou moins un point ou un zéro contemporain. Donc, il y a certes une évolution intéressante, mais je pense qu'il y a une conscience assez rapide de sa possibilité. Au niveau du zéro arithmétique, c'est-à-dire le zéro considéré comme un nombre sur lequel on peut faire des additions, des multiplications, etc., je pense que ça a permis de contribuer au développement de ce que l'arithmétique est devenue, c'est-à-dire une algèbre, c'est-à-dire une étude des nombres plus complexe, une étude des nombres en tant que nombre en relation avec les autres. Alors, bien évidemment, on est loin encore de ce qu'on appelle l'algèbre aujourd'hui, qui consiste notamment à étudier les structures algébriques des nombres. Je disais en début d'émission que voilà, le zéro est considéré comme l'élément neutre de la multiplication, de l'addition, là où le 1 est l'élément neutre de la multiplication. Ces conceptions-là, elles arrivent au 19e siècle. Mais tout de même, ça permet, je pense, de développer une conception des nombres où on se dit qu'il y a une structure intéressante dans tout ça. Il y a des nombres qui peuvent donc être symétriques vers la gauche avec les nombres négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3. Le 0 permet de créer un miroir quelque part, et donc d'ouvrir une porte un peu plus grande vers des nombres qui ne sont plus strictement naturels, c'est-à-dire les nombres qu'on utilise sur ses doigts, mais qui sont des nombres comme des êtres à part entière qu'on va pouvoir étudier de façon un peu plus rigoureuse et déliée du réel. Roger Mansuy, sur ces apports du zéro aux mathématiques. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Antoine sur le besoin de l'élément neutre quand on va faire de l'algèbre. Mais j'avoue que j'ai quand même une vraie affection pour l'invention de l'écriture, de la numération de position, qui va complètement révolutionner un peu la façon dont on fait le calcul. Il y a quelques années, j'étais tombé sur un album d'Astérix où on a le barde Assurance Tourix qui est en train d'affaire la classe aux petits Gaulois. Et il est en train de leur poser, comme nous on poserait un calcul, mais avec des chiffres romains. Et simplement la question, se dire si chacun pouvait me demander comment je fais le produit XIX fois XIV. Là on se dit, mais c'est très compliqué en fait. Et notre seul réflexe à nous, avec notre habitude, sera de reconvertir en chiffres arabes et d'essayer de faire nos algorithmes tels qu'on les connaît. Et je trouve que la numération de position nous a offert en fait une grande possibilité de calcul, parce qu'elle a stocké les nombres d'une façon qui était facilement manipulable. Et c'est presque le cœur de l'informatique. En fait, quand les gens pensent informatique aujourd'hui, on pense programme, on pense voir codage, mais il y a quelque chose qui est plus fondamental encore avant, c'est comment j'ai cette information, comment je l'ai sous une forme que je peux stocker et que je peux manipuler. La numération de position est ce que permet le zéro, ou toute autre façon de le noter, nous permet d'aller vers toute cette façon de faire du calcul. Et donc c'est une révolution qui est relativement importante pour moi aussi. Et ça ouvre aussi le zéro, ça ouvre la porte à, d'une certaine façon, l'infini dans les mathématiques, le calcul infinitésimal. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, la question du... Alors, on va quitter les entiers pour aller vers des nombres réels. Et la question qui se pose, quand on veut faire du calcul infinitésimal, c'est d'avoir des éléments qui sont arbitrairement petits. Et évidemment, c'est compliqué d'avoir un nombre positif qui soit arbitrairement petit, parce que sinon je prendrais sa moitié, qui est encore plus petite, etc. Et le zéro représente cette borne absolue, en fait, qui est ici. Donc la question, c'est, est-ce que je peux faire des infiniment petits proches du zéro ? C'est tout un cheminement. Alors, c'est pas exactement le zéro qui va être là, mais c'est tendre vers zéro qui va être à ce moment-là une étape importante, et notamment au XVIIe siècle. Antoine Houlou-Garcia, vous évoquiez le fait aussi que... Allez-y, pardon. Vous souhaitiez... Oui, non, effectivement, je voulais juste rebondir sur ce que disait Roger très rapidement sur l'infini. Effectivement, dès Aristote, hein, on a ce questionnement de l'infiniment petit et l'infiniment grand. En gros, on comprend bien que l'infiniment grand, c'est rajouter des choses à chaque fois. L'infiniment petit, c'est de diminuer à chaque fois, donc de diviser. Comme le disait Roger, effectivement, si on divise par deux, ben, on obtient un truc encore plus petit que ce qu'on avait. Du coup, cette réflexion-là, en fait, elle est en mouvement. Et c'est ça la particularité de l'infini tel qu'il est considéré quasiment jusqu'à Cantor, en réalité, à l'orée du XXe siècle, c'est que c'est un infini qui est quand même en mouvement, en division ou en addition. Et c'est ce qui va mener d'ailleurs à ce qu'on appelle la méthode d'exhaustion, que Archimède va énormément utiliser, qui est un des ancêtres du calcul infinitésimal de Leibniz, hein, que mentionnait Roger. C'est une notion qui est assez complexe, assez floue encore, et il faut attendre vraiment Cantor pour considérer l'infini comme finalement un nombre, pas comme les autres, mais quand même comme un nombre. Antoine Houlou-Garcia, je vais vous confier la lourde tâche de conclure cette émission. Il nous reste 1 minute 32 minutes. Que symbolise, selon vous, cette épopée du zéro et qu'est-ce qu'elle incarne d'un point de vue aussi bien de l'histoire de la science mathématique que de l'histoire de la pensée? Je crois qu'elle incarne quelque chose qui est assez fantastique et assez banal finalement. C'est la collaboration au sein de l'histoire et au sein de l'espace. C'est-à-dire que des gens vont penser à des choses, les écrire, les transmettre. Ça va être traduit dans d'autres langues, dans des pays qui sont extrêmement éloignés. Ça va être lu, ça va être commenté, ça va être repensé. Et cette histoire du zéro, voilà, on la retrouve en Grèce, en Chine, chez les Mayas, en Inde, évidemment, dans le monde arabo-musulman, dans le monde occidental qui parle latin. Et tout ça, ça se fait par des voyages dans l'histoire, dans le temps, dans la géographie, dans l'espace. C'est vraiment des choses qui sont assez banales parce que finalement, bah oui, la science, elle est mondialisée, mais en fait, elle l'a toujours été en quelque sorte. Et c'est ça qui fait sa richesse. Donc, c'est un beau message d'espoir que cette histoire du zéro parce que ça consiste finalement à ouvrir les portes. Roger Mansouy. Oui, l'aventure, en fait, l'aventure humaine est quelque chose d'éminemment riche ici. Ce qui m'intéresse en fait plus, c'est de voir comment ils voyagent, comment ils se passent aux interfaces entre plusieurs mondes. C'est pas des frontières bloquées, mais c'est vraiment quelque chose qui voyage, donc c'est beau. Merci beaucoup à tous les deux, Roger Mansouy, Antoine Houlou-Garcia, d'être venus nous raconter cette foisonnante histoire de l'invention et du voyage du zéro. Et comme chaque jour, on se quitte en musique avec aujourd'hui O2N, rien. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Hundenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Somaya Dabesh, à la technique aujourd'hui Jean-Frédérics. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain, dans Eureka, on fera un voyage galactique et on partira à la découverte de la Voie lactée. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. Par de l'Afghan, les chaînes sont longues, les gens sont mieux. Et dans cette blonde, y a des envieux, des enfants gris, des chiens vautours. Et sans une trace, y a plus d'amour. C'est froid, c'est bon, se sentir fort. Les autres sont des vies dehors. Je regarde le ciel, je me branle d'abord. Derrière l'enclos, le cri du porc. Bien, claque des doigts, parle du temps comme de toi. Il fait beau, je souris, il fait moche, je l'oublie. J'en ricane, j'exorcise, en tisse. sans le jerrycan. Pas plus d'âme qu'une banane. Je suis l'âne de ma queue. J'ai le jour avec moi, la lumière dans les cheveux, celle des gens pas heureux. Dans la ville qui accourt, j'ai ma place dans que dalle. J'ai la dalle des beaux jours. Sur le nerf absolu, je vis ton flux tendu. Et je vois avec deux jeunes yeux désœuvrés que le temps passe comme un train. Dans mes mains, il y a rien. France Culture. L'esprit d'ouverture.